Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Huitième émission. C'est la photo d'une femme prise de face jusqu'aux hanches dans un jardin de broussailles. Ses cheveux longs, blonds roux, sont épars sur le col d'un gros manteau noir, ample, du genre cossu. Le pan d'une écharpe rose dragée, bizarrement étroite par rapport au manteau, est rejeté sur l'épaule gauche. Elle tient dans ses bras un chat noir et blanc, de l'espèce la plus répandue, et sourit en regardant l'objectif, la tête un peu penchée, dans une attitude de douceur séductrice. Les lèvres apparaissent très roses, sans doute rehaussées de brillants assortis à l'écharpe. La raie, plus claire, qui sépare les cheveux, signale une repousse des racines. Le plein de l'ovale du visage, les pommettes hautes contrastent par leur jeunesse avec les poches sous les yeux et le fin réseau de rides sur le front. L'ampleur du manteau ne permet pas de déterminer la corpulence, mais les mains et les poignets qui sortent des manches pour soutenir le chat sont maigres, avec des articulations marquées. C'est une photo d'hiver, la lumière d'un soleil pâle sur la peau du visage et des mains, les touffes d'herbes sèches, les branches dénudées sur un fond vague de végétation avec une ligne lointaine d'immeubles. Au dos, Cergy, 3 février 92. La photo a été prise dans le jardin en contrebas de la maison où elle vit seule avec ce chat. De fait, une chatte d'un an et demi. Il y a 10 ans vivaient ici son mari, 2 adolescents, sa mère de temps en temps. Elle était le centre d'un cercle qui n'aurait pu tourner sans elle. De la décision du lavage des draps aux réservations d'hôtels pour les vacances. Son mari est loin, remarié avec un enfant, sa mère morte. Ses fils habitent ailleurs. Elle constate cette dépossession sereinement, comme une trajectoire inéluctable. Quand elle fait ses courses à Auchan, elle n'a plus besoin de prendre un caddie. Un panier lui suffit. Elle ne retrouve sa fonction de nourricière que les week-ends où ses fils reviennent à la maison. En dehors de ses obligations de travail, cours et copies, son temps est consacré à la gestion de ses goûts personnels et de ses désirs. Lecture, films, téléphone, correspondance et aventures amoureuses. Le souci matériel et moral incessant des autres qui caractérisait sa vie conjugale et familiale s'est éloigné d'elle. Un intérêt pour les causes humanitaires l'a remplacé, plus léger. À ce moment où elle regarde avec douceur l'objectif, un homme sans doute prend la photo. Elle se pense comme une femme qui a vécu il y a 3 ans une passion violente pour un Russe. Son état de désir et de douleur a disparu. Elle en sent toujours la forme, mais la figure de cet homme devient de plus en plus lointaine et navrée. Elle voudrait se rappeler comment elle se souvenait de lui quand il a quitté la France. Quel flot d'images la submergeait et rendait sa présence enclose en elle comme en un tabernacle. De sa mère, elle se rappelle les yeux, les mains, la silhouette, pas la voix, ou sinon de façon abstraite, sans grain. La vraie voix est perdue. Elle n'en possède aucune trace matérielle. Mais des phrases lui viennent souvent spontanément aux lèvres, que sa mère utilisait dans le même contexte. Des expressions qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir utilisées avant. Le temps est mou, il m'a tenu le crachoir, chacun son tour comme à confesse, etc. C'est comme si sa mère parlait par sa bouche et avec elle toute une lignée de gens. D'autres fois surgissent des phrases que sa mère a dites pendant sa maladie d'Alzheimer et dont l'incongruité révélait son altération mentale. « Tu m'apporteras des chiffons pour m'essuyer le derrière. » En un éclair, le corps et la présence de sa mère lui sont donnés. À la différence des premières phrases, d'un usage répété, celles-ci sont uniques. Pour toujours l'apanage d'un seul être au monde, sa mère. À son mari, elle ne pense presque jamais. Cependant, elle porte en elle l'empreinte de leur vie commune et des goûts qu'il lui a donnés, Bach et la musique sacrée, le jus d'orange matinal, etc. Lorsque des images de cette vie la traversent, comme celle d'Annecy où elle cherchait fébrilement dans les magasins des vieux quartiers de quoi faire un réveillon, elle avait 25 ans, c'était leur premier Noël avec l'enfant, elle se demande « Est-ce que je voudrais y être encore ?» Elle a envie de dire non, mais elle sait que la question n'a pas de sens, qu'aucune question n'a de sens s'appliquant aux choses du passé. Dans ses insomnies, elle essaie de se rappeler de manière détaillée les chambres où elle a dormi, celle qu'elle a partagée avec ses parents jusqu'à 13 ans, celle de la cité universitaire, de l'appartement d'Annecy face au cimetière. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche dans ses inventaires. Peut-être à force d'accumulation de souvenirs d'objets, redevenir celle qu'elle était à tel et tel moment. Elle voudrait réunir ses multiples images d'elle, séparées, désaccordées, par le fil d'un récit, celui de son existence, depuis sa naissance pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Une existence singulière, donc, mais fondue aussi dans le mouvement d'une génération. Au moment de commencer, elle achoppe toujours sur les mêmes problèmes. Comment représenter à la fois le passage du temps historique, le changement des choses, des idées, des mœurs, et l'intime de cette femme ? Faire coïncider la fresque de 45 années et la recherche d'un moi hors de l'histoire, celui des moments suspendus dont elle faisait des poèmes à 20 ans. Solitude, etc. Son souci principal est le choix entre je et elle. Il y a dans le je trop de permanence, quelque chose de rétréci et d'étouffant. Dans le elle, trop d'extériorité, trop d'éloignement. L'image qu'elle a de son livre, tel qu'il n'existe pas encore, l'impression qu'il devrait laisser, est celle qu'elle a gardée de sa lecture d'Autant en emporte le vent à 12 ans, plus tard de La recherche du temps perdu, récemment de Vie et destin. Une coulée de lumière et d'ombre sur des visages. Mais elle n'a pas découvert les moyens d'y parvenir. Elle espère, sinon une révélation, du moins un signe fourni par le hasard, comme la Madeleine plongée dans le thé pour Marcel Proust. Plus que ce livre, l'avenir, c'est le prochain homme qui la fera rêver, acheter de nouvelles fringues, attendre, une lettre, un coup de fil, un message sur son répondeur. L'excitation des événements du monde était retombée. L'inattendu lassait. La Yougoslavie était à feu et à sang. Les balles de tireurs invisibles, les snipers, zébraient les rues. La conscience se rétractait. On en voulait aux Croates, Kosovars, etc. de s'entretuer comme des sauvages au lieu de copier sur nous. On ne se sentait pas de la même Europe qu'eux. On avait encore moins envie de s'intéresser à ce qui se passait au Rwanda, faute de distinguer qui des Hutus et des Tutsis étaient les bons et les méchants. Depuis toujours, penser à l'Afrique remplissait de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle était située dans un temps antérieur au nôtre, aux coutumes barbares, des potentats avec châteaux en France. Et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin. C'était le continent décourageant. Dans le plaisir ou l'énervement, la légèreté ou l'accablement selon les jours, l'acquisition des choses, dont on disait ensuite ne plus pouvoir se passer, aimantait de plus en plus la vie. En écoutant la dernière chanson de Souchon, Foule sentimentale, c'était comme si on se contemplait dans 100 ans, tel que les gens d'alors nous verraient, et l'on avait l'impression mélancolique de ne pouvoir rien changer de ce qui nous emportait. De toutes les peurs répertoriées, celle du sida était la plus forte. Les visages émaciés et transfigurés des mourants célèbres, d'Hervé Guibert à Freddie Mercury, tellement plus beau qu'avant avec ses dents de lapin, manifestaient le caractère surnaturel du fléau. Premier signe d'une malédiction jetée sur la fin du millénaire, un jugement dernier. On s'écartait des séropositifs, 3 millions sur la Terre, et l'État s'évertuait en spots moraux à nous convaincre de ne pas les prendre pour des pestiférés. La honte du sida en remplaçait une, oubliée, de la fille enceinte sans être mariée. Être soupçonnée de l'avoir valait condamnation. Isabelle Adjani a-t-elle le sida ? Rien que de passer le dépistage était suspect, l'aveu d'une faute indicible. On le faisait en cachette à l'hôpital, sous un numéro, sans regarder ses voisins de la salle d'attente. Seuls les contaminés par transfusion 10 ans plus tôt avaient droit à la compassion. Et les gens se soulageaient de la peur du sang des autres en applaudissant à la comparution en haute cour de ministres et d'un médecin pour empoisonnement. Mais, somme toute, on s'accommodait. On prenait l'habitude d'avoir un préservatif dans son sac. On ne le sortait pas. L'idée de s'en servir paraissant d'un seul coup inutile, une insulte au partenaire. Regrettant aussitôt après, passant le test, attendant le résultat avec la certitude qu'on allait mourir. À l'annonce que non, exister et marcher dans la rue était d'une beauté et d'une richesse sans nom. Mais entre la fidélité et le préservatif, il fallait choisir. Au moment même où il était impératif de jouir de toutes les façons, la liberté sexuelle redevenait impraticable. L'élection présidentielle arrivait. On n'attendait pas que la vie collective et tout court en soit bouleversée. Mitterrand avait usé l'espérance. Le seul qui nous aurait plu était Jacques Delors, s'il ne s'était pas désisté après nous avoir fait lanterner. On ne croyait à rien, mais quand on a deviné aux têtes joyeuses des journalistes que Chirac était élu, qu'on a vu les jeunes gens bien mis et les dames des beaux quartiers hurler de joie, on a compris que le bon moment était fini. Il fallait faire un effort, en entendant Chirac, pour réaliser qu'il était le président, se déshabituer de Mitterrand. La succession insensible des années avec lui en fond d'époque se coagulait en un bloc. 14 ans, on ne voulait pas avoir vieilli autant. Les jeunes ne calculaient pas, ils n'avaient pas de sentiments. Mitterrand était leur De Gaulle à eux. Ils avaient grandi avec lui. 14 ans, c'était bien assez. Au milieu des années 90, à la table où l'on avait réussi à réunir un dimanche midi les enfants bientôt trentenaires et leurs amis, qui n'étaient pas les mêmes que l'année d'avant, passagers et passagères d'un cercle familial d'où à peine entrés ils étaient ressortis, autour d'un gigot d'agneau, ou de tout autre plat dont, faute de temps, d'argent ou de savoir-faire, on savait qu'ils ne mangeaient pas hors de chez nous, et d'un Saint-Julien ou d'un Chassagne-Montrachet, pour éduquer le goût de ces buveurs de Coca-Cola et de bière, le passé indifférait. On les regardait manger, se resservir de tout, avec une satisfaction de nourricière occasionnelle. Plus tard, au champagne, il leur revenait des souvenirs d'émissions de télé, de produits et de pubs, de modes vestimentaires du temps de leur enfance et de leur adolescence. Ils rivalisaient de citations, saisis d'émulation dans la remontée des objets d'un passé commun, une mémoire innombrable et futile qui leur redonnait des airs de gamins. Le monde des marchandises, des spots publicitaires et celui des discours politiques coexistaient à la télévision. Ils ne se rencontraient pas. Dans l'un régnait la facilité, l'invitation au plaisir. Dans l'autre, les sacrifices et les contraintes. Des formules de plus en plus menaçantes, la mondialisation des échanges, la nécessaire modernisation. Nous avions mis du temps à traduire en images de la vie quotidienne le plan Juppé et comprendre qu'on nous entubait. Mais on en avait assez de cette façon hautaine et condescendante de nous reprocher de ne pas être pragmatique. La retraite et la sécu, c'était la dernière sollicitude de l'État, une sorte de point fixe dans tout ce qui emportait. Les cheminots et les postiers cessaient le travail. Les profs, tous les services publics. Des embouteillages inextricables étoilaient Paris et les grandes villes. Des gens achetaient des vélos pour circuler, marchaient en colonne hâtive dans la nuit de décembre, sans récrimination. C'était une grève d'hiver et d'adultes, sombre et calme, sans violence ni exaltation. On retrouvait le temps disjoint des grandes grèves, avec le retard comme règle, la débrouille et les organisations provisoires. Il y avait de la mythologie dans les corps et les gestes. Marcher obstinément dans Paris sans métro ni bus était un acte de mémoire. À la gare de Lyon, la voie de Pierre Bourdieu unissait 68 à 95. On recroyait. Des mots nouveaux galvanisaient calmement. Un autre monde, l'Europe sociale. Les gens répétaient qu'ils ne s'étaient pas parlé ainsi depuis des années, s'en émerveillaient. La grève était parole plus qu'action. Juppé retirait son plan. Noël arrivait. Il fallait revenir à soi et aux cadeaux, à la patience. Les journées de décembre se fermaient. Elles ne formaient pas un récit. Il restait juste l'image d'une foule crapahutant dans la nuit. On ne savait pas si c'était la dernière grande grève du siècle ou le début d'un réveil. Pour nous, quelque chose commençait. On se rappelait les vers d'Éluard. Ils n'étaient que quelques-uns, sur toute la terre. Chacun se croyait seul. Ils furent foule soudain. Entre ce qui n'est pas encore et ce qui est, la conscience reste vide un court instant. On regardait sans comprendre l'énorme titre à la une du Monde. François Mitterrand est mort. La foule se reformait comme en décembre sur la place de la Bastille, dans la nuit. On continuait d'avoir besoin d'être ensemble et c'était la solitude. Il nous revenait que le soir du 10 mai 81, dans la mairie de Château-Chinon, Mitterrand, en apprenant qu'il était élu président de la République, avait murmuré « Quelle histoire !» Il n'y avait pas de nom précis pour cette impression de se trouver à la fois dans la stagnation et la mutation. Dans cette incapacité à saisir ce qui arrivait, un mot commençait à passer de bouche en bouche. Les valeurs, sans que soient précisées lesquelles. Comme une réprobation générale des jeunes, de l'éducation, de la pornographie, du projet de Pax, du cannabis et de la perte de l'orthographe. D'autres bouches se gaussaient de ce nouvel ordre moral, ce politiquement correct, prêt à penser, prônaient la transgression et applaudissaient le cynisme de Welbeck. Sur les plateaux de télé, les langages s'entrechoquaient sans fracas. Grâce à la lubie divertissante de Chirac de dissoudre l'Assemblée nationale, la gauche gagnait les élections et Jospin devenait Premier ministre. C'était le rattrapage du soir déçu de mai 95. Le rétablissement du moindre mal et des mesures qui avaient le goût de la liberté, de l'égalité, de la générosité, qui s'ajustaient à notre désir d'avoir droit tous aux choses bonnes de l'existence, la santé avec la CMU, du temps à soi avec 35 heures de travail, même si le reste ne changeait pas. Et on ne passerait pas l'an 2000 sous la droite. L'ordre marchand se resserrait, imposait son rythme haletant. De tous les objets nouveaux, le téléphone mobile était le plus miraculeux, le plus troublant. On n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour se promener avec un téléphone dans la poche, appeler de n'importe où, n'importe quand. On trouvait étrange que des gens parlent tout seuls dans la rue, le téléphone à l'oreille. La première fois que retentissait dans notre sac la sonnerie alors qu'on se trouvait dans un wagon de RER ou à la caisse du supermarché, on sursautait, cherchait fébrilement le bouton OK avec une sorte de honte, de malaise, notre corps brusquement désigné à l'attention des autres en répondant « Allô, oui » et des paroles qui ne leur étaient pas destinées. À l'inverse, quand s'élevait à côté de nous la voix d'un inconnu répondant à un appel, on s'irritait d'être captif d'une existence qui tenait la nôtre pour nulle, en nous infligeant l'insignifiance d'un quotidien, la banalité de soucis et de désirs jusqu'ici renfermés dans la cabine téléphonique ou l'appartement. Le vrai courage technologique était de se mettre à l'ordinateur, dont la manipulation signifiait un degré supérieur d'accès à la modernité, une intelligence différente, nouvelle. On achetait un modem pour avoir Internet et une adresse électronique, ébloui de naviguer dans le monde entier sur Alta Vista. La machine à écrire, son cliquetis et ses accessoires, les faciles, le stencil et le carbone, nous paraissaient relever d'une époque lointaine, impensable, Pourtant, quand on se revoyait quelques années plus tôt, en train de téléphoner à X dans les toilettes d'un café, de taper un soir une lettre à P sur l'Olivetti, il fallait bien reconnaître que l'absence de portable et de mail ne tenait aucune place dans le bonheur ou la souffrance de la vie. C'était Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. 8e émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et la voix de Yolande Folio. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment. Les années de Annie Ernaux est publiée aux éditions Gallimard.